Chapitre 36e. Suite de la confession. Quand avez-vous décidé de confronter vos enfants? Pas tout de suite. J'ai d'abord dû m'occuper de Nadine. Elle n'allait pas bien du tout, vous savez. Elle se sentait si coupable. Elle aimait vraiment Mathilde. La jeune fille savait s'occuper des enfants et ils avaient tout de suite sympathisé. Cette mort idiote n'en a été que plus rude. Cela n'a pas dû être évident pour vous non plus. Moi, je ne sais pas. À vrai dire, j'avais tant à faire que je n'avais guère le temps de m'interroger, ou je ne voulais pas. Je crois avoir été un peu épargné parce que je ne la connaissais pratiquement pas. Pour en revenir à votre question, il a fallu que j'attende patiemment l'occasion. Je savais que je devais laisser passer le déménagement. Ensuite, les beaux jours arrivant, il n'était pas anormal pour un père d'emmener ses enfants faire un tour en bateau. Le prétexte était tout trouvé. Je voulais leur faire découvrir la région d'une autre façon. C'était du moins la version officielle. Il en est allé tout autrement, n'est-ce pas? Naturellement. J'ai soigneusement planifié cette sortie. J'ai commencé par avertir le port que si je n'étais pas revenu à une certaine heure, il fallait immédiatement envoyer les secours. Ensuite, j'ai communiqué l'itinéraire que j'allais emprunter et j'ai bien pris garde de ne jamais m'en éloigner une fois à bord. Bien sûr, certaines personnes n'ont pas manqué de me jeter des regards étonnés, mais j'ai prétendu que je ne connaissais pas encore complètement mon bateau, ce qui au fond était assez vrai, du moins dans une moindre mesure. J'ai bien pris soin de me munir de papier et de stylo afin que mes enfants puissent écrire leur confession. Pour donner le change, j'avais également préparé un pique-nique, ainsi ils n'ont rien vu venir. Je me souviens que s'ils ont mangé leur part avec appétit, je n'ai rien pu avaler. J'avais une trop grosse boule coincée dans la gorge. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retenir de pleurer. J'ai navigué exactement comme aujourd'hui, deux bonnes heures. Les enfants ne bougeaient pas. Ils donnaient le sentiment de s'ennuyer ferme et ils se chuchotaient constamment des choses à l'oreille. Je savais qu'ils jouaient à m'énerver et que le but de la manœuvre était de me faire faire demi-tour, mais j'ai tenu bon. J'ai jeté l'ancre dans un endroit assez voisin de celui-ci, puis, une fois revenu dans la cabine, je leur ai demandé froidement pourquoi ils avaient fait cela. J'avais visiblement réussi à capter leur attention, car immédiatement tous deux affichèrent un si profond mépris qu'il me glaça le sang. Il n'y avait pas à se méprendre une seconde sur la signification. J'étais une merde qui osait venir les importuner. J'étais celui qui gâchait leur journée. J'ai senti alors combien ils se sentaient supérieurs. J'ai le regret de dire que Sandrine surpassait largement son frère, car elle arborait en plus un air de triomphe absolument insupportable. C'est elle qui s'instaura d'entrée comme porte-parole. Elle n'était plus ma petite fille chérie, mais une créature méchante, frustrée et vicieuse. Le ton était plein de morgue, mais je l'ai laissé vider son sac. Il fallait que je comprenne. Jamais je n'oublierai ces mots. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. On ne lui avait pas demandé de venir. On n'a besoin de personne. On sait se garder tout seul. Elle a voulu commander, alors j'ai demandé à Loïc de la pousser. Je savais que l'escalier était dangereux. Je l'ai compris quand maman est tombée. À ce moment-là, j'ai interrompu Sandrine pour lui demander si elle était là, et elle m'a répondu par l'affirmative, sans l'ombre d'une hésitation. Oui, j'étais là. J'étais caché, mais j'avais un peu peur parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais comment avez-vous fait? Ai-je demandé anxieusement. Là, la créature s'est mise à rire comme si c'était la meilleure plaisanterie de l'année. Oh ben, ça n'était pas le plus dur. Loïc lui a juste donné une bonne poussée. Comme si c'était effectivement la chose la plus naturelle du monde. Elle a ajouté, toujours avec cet affreux rire qui sonnait si faux. Elle s'est écrasée lourdement comme une patate trop cuite. On a attendu un moment pour voir si des fois elle ne se relevait pas. Mais au bout d'un moment, on a su qu'on avait réussi. J'ai alors posé la question qui me brûlait les lèvres depuis le début et une fois de plus, il m'a été répondu avec le mépris le plus total, sauf que cette fois, c'est Loïc qui est intervenu. Visiblement, il ne voulait pas être en reste. Il voulait sa part de gloire. Je l'ai poussé parce que Sandrine me l'a demandé. Elle croyait que je n'étais pas cap et je lui ai montré que si. Elle n'a même pas eu à m'aider. De toute façon, elle devait bien rester en arrière. On avait trouvé une place et elle était restée tout le temps sur sa marche. J'ai leur demandé comment ils avaient réussi à l'attirer dans ce piège, et c'est toujours Loïc qui m'a répondu. « Oh ben ça, ce n'était vraiment pas difficile. J'ai fait semblant d'avoir très mal à la tête et Sandrine s'est mise à hurler. La fille s'est mise à paniquer, surtout parce que Candrine criait de toutes ses forces. Dans le même temps, je suppliais de mon côté qu'elle aille me chercher une aspirine en bas, alors que la pharmacie de maman était en haut. J'étais complètement désemparé. J'avais devant moi deux enfants qui avaient sincèrement le sentiment d'avoir seulement joué un bon tour et qui ne saisissaient pas l'horreur de leur geste ou ne le voulaient pas. Le pire est que Loïc continuait à délirer. J'avais l'impression très nette qu'il se libérait de la pression et qu'il voulait surtout me faire mal. Il était bien clair pour eux que je n'étais pas à la hauteur, à leur hauteur. Comprenez ? Je n'arrivais pas à apprécier leur acte, à voir ce qu'ils y trouvaient de réjouissant. C'est là que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Ils étaient si remplis de haine. J'ai béni le fait qu'ils ne soient pas plus âgés, sans quoi ils n'auraient pas hésité une seconde à me balancer par-dessus bord. Croyez-moi, jamais plus que ce jour maudit, je ne me suis félicité d'avoir pris tant de précautions avant de sortir en mer. Maintenant, je détenais une preuve contre eux. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous dise que j'avais acheté un magnétophone à cassette quelques semaines auparavant. J'ai pris bien soin de le tester afin de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour dit, et c'est aussi pour cela que j'avais choisi un jour particulièrement calme pour sortir. Ainsi, il y aurait le moins de bruit parasite possible. Je ne suis pas très fier du procédé employé, mais je n'avais pas le choix. En faisant semblant de farfouiller dans un placard, j'ai mis l'appareil en route. Ensuite, je me suis décalé de façon à ce que les enfants soient le plus près possible du micro, et j'ai commencé à les interroger en essayant de rester le plus naturel possible. Je ne voulais pas les braquer d'entrée, même si ce fut insupportable. Une fois la confession achevée, j'ai fait sortir les enfants de la cabine un bref instant. Il me fallait en quelque sorte préparer le second acte. Cette fois-ci, quand les enfants sont entrés à nouveau, le magnétophone était sur la table, bien en évidence. J'avais disposé papier et stylo. Je les ai fait asseoir en parlant d'une voix froide et qui se voulait dénuée de toute émotion. Je n'étais plus le gentil papa naïf qu'ils venaient de tuer un peu plus tôt. Je les ai regardés exactement comme ils devaient l'être, comme des assassins. Je pense que Sandrine, la première, a compris que quelque chose avait changé, car elle ne crânait plus. Naturellement, Loïc a tenté de s'interposer, mais elle a compris à ses dépens ce qu'était un adulte. Croyez-le, commissaire, je n'avais jamais levé la main sur mes enfants jusqu'à ce jour, du moins. Mais je n'ai eu aucun problème pour asséner une gifle monumentale à Loïc. Gifle qui l'a repoussé dans le fond de la cabine. Sandrine a baissé la garde la première, même si elle a rageusement regardé la feuille placée devant elle. Loïc, lui, pleurait, mais cela ne me faisait plus rien. Je savais que c'était surtout des larmes d'humiliation et d'impuissance. Jamais plus il n'a dû regretter de ne pas être plus âgé. Sans doute, l'issue aurait-elle été bien différente, mais ce jour-là, c'était moi qui avais l'avantage. Tous deux, Mathé, ont écrit leur confession. J'étais sauvé. Une fois que l'exercice fut achevé, je leur ai fait entendre la cassette expliquer ce que je comptais faire. Je ne leur ai pas caché que dès mon retour au port, leur confession ainsi que la cassette rejoindraient le coffre de Jean Cartrieux et que celui-ci en prendrait connaissance. Ainsi, s'il leur prenait la fantaisie en grandissant de vouloir s'attaquer à moi, la confession attirerait immédiatement sur le bureau d'un juge. Idem s'il faisait parler d'eux d'une façon ou d'une autre. Naturellement, Sandrine m'a lancé un regard meurtrier, mais cela n'avait plus d'importance. Ensuite, je les ai fait sortir de la cabine. Je ne voulais plus respirer le même air qu'eux. Je me souviens de m'être enfermé parce que j'avais terriblement peur. Peur et honte. Je pense n'être jamais rentré aussi vite. Nadine attendait sur la jetée avec la voiture comme je le lui avais demandé. Je voulais qu'elle ramène les enfants à la maison pendant que je me rendais chez Jean. Nous avions rendez-vous à l'étude. Jean est devenu blanc quand il a pris connaissance de ce que je lui apportais, mais il n'est pas revenu sur sa décision. Au contraire, il a essayé de toute force de me remonter le moral, de m'assurer que j'avais bien agi. Bien sûr, par la suite, j'évitais le plus possible les contacts avec ceux que je considérais maintenant comme des monstres. Je n'attendais plus rien d'eux. Qu'ils travaillent ou pas en classe m'était parfaitement indifférent. Après tout, il ne s'agissait pas de ma vie. J'avais suffisamment à faire de mon côté. Je devais faire mon trou au nouveau labo. Mes horaires de travail sont très vite devenus extensibles. Je savais très bien que je fuyais, mais sincèrement, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Je voulais les voir le moins possible. Tous les prétextes étaient bons pour ne pas assister aux anniversaires. Je sais que Nadine n'a jamais compris mon attitude, mais j'ai tenu bon. Parler, c'était la détruire définitivement, alors. Toutefois, je dois au moins leur reconnaître qu'ils se sont tenus à peu près correctement. En tout cas, ils n'ont jamais attaqué personne. Où sont-ils aujourd'hui ? Quelque part aux États-Unis. Mais ne comptez pas trop sur moi pour vous dire où. Je ne vous le demande pas. Néanmoins, je voudrais une copie des confessions, l'enregistrement surtout. C'est une chose bien difficile que vous me demandez là. Je le sais, mais croyez-moi, j'en ai vraiment besoin. Puis je pense que certaines personnes ont le droit de trouver la paix, ne pensez-vous pas ? Bien sûr que si. En échange, vous me promettez de ne rien tenter contre eux. Comme je vous l'ai dit à mon arrivée, il y a prescription. Croyez-moi qu'ils ont eu une sacrée chance, mais pour votre sécurité, tenez-les le plus éloigné possible de vous. Pierre Plantier eut alors un pauvre sourire. C'est exactement ce que ma mère m'a dit. Une fois rentré à l'hôtel, Dutilleul fit soigneusement ses bagages, puis il prit le temps d'appeler Morand, à qui il rapporta succinctement sa conversation avec Pierre Plantier. Il était temps de refermer le dossier, même si tout cela lui laissait un goût d'inachevé dans la bouche. Naturellement, même s'il n'était pas père lui-même, il comprenait les arguments de Pierre Plantier. Malheureusement, il n'avait également aucun doute sur la dangerosité de Sandrine et de Loïc. Il savait trop que le temps ne changeait rien à l'affaire. Seulement, tout comme Pierre Plantier, il était complètement désarmé concernant la réponse à apporter. Il se demandait ce que le grand con aurait pensé d'un cas pareil. Il était sûr que cela l'aurait vivement intéressé, mais il doutait que les enfants en aient tiré un quelconque bénéfice. Plus prosaïquement, il avait toujours le recours de s'en ouvrir à Leputric. Mais mieux valait peut-être ne pas tenter le diable. Celui-ci n'était pas un imbécile. Sa question en appellerait forcément d'autres. Il pouvait toujours utiliser Marie-Lise comme paravent, mais il jugeait le procédé indigne de lui. N'empêche que Pierre Plantier l'avait sacrément aidé, sans certainement bien s'en rendre compte. Il avait maintenant un schéma d'ensemble pour l'affaire des Tournelles. Il ne fallait pas se leurrer. Les mobiles devaient être très voisins. Loïc Plantier n'avait fait que relever un défi lancé par sa sœur. D'où sa parfaite incompréhension de se voir puni. Sandrine, elle, était plus dure à saisir. Dutilleul ne parvenait pas à comprendre d'où pouvait venir la frustration d'une gosse qui avait toujours tout eu. Il tenta, sans grand succès, de penser à autre chose pendant la dernière heure du voyage. Tout à coup, il se sentit très las. Heureusement, il avait prévu de passer la fin du week-end avec Mado. Tant pis si elle le trouvait tendu. Il saurait bien se faire pardonner.